La centrale de la jeunesse de Hongzhou numéro 3 de la province du Chagang est mise en service avant terme. La génératrice numéro 1 alimente l'électricité à la ville de Kangé en accélérant la construction de la centrale.